Chapitre 8e, une lettre malencontreuse. Marcie était assise dans une confortable petite chauffeuse près du feu, dans le salon couleur d'ambre, dont les splendeurs voilaient avec quelque chose de triste à la froide lumière de l'hiver. On touchait presque à Noël, et Marcie était occupée à mener à bien certains arrangements dans l'intérêt de ses pauvres, conjointement avec le curé de Scarsdale, jeune homme à l'esprit simple, fervent admirateur de Mademoiselle Denison, dont la sereine présence avait la puissance de paralyser momentanément ses facultés intellectuelles. Oui, c'était un très paisible jeune homme, ayant de cheveux blancs souples, que nulle manipulation due au fer chaud du barbier du village n'avait torturé pour les faire friser. De pacifiques yeux bleus, dont la douceur d'expression dégénérait presque en faiblesse larmoyante, causée par un rhume de cerveau. Ce n'était pas un jeune homme heureux, car il avait un certain mépris de lui-même et adorait Marcia. Mais il serait mort de n'importe quelle mort. Il aurait accepté d'être précipité la tête la première du sommet le plus élevé de la cathédrale de Roxborough, d'être écartelé et mis en pièces par une demi-douzaine de gros chevaux de trait de la ferme de Sir Gaspard, plutôt que de confesser le secret de son idolâtrie. Car Mademoiselle Denison était une héritière. Et il eût été possible que son amour dévoué fût confondu avec les ardeurs mercenaires d'un coureur de fortune. Si Winston Le Silbrook se décidait à cacher son secret en nourrissant ses joues satinées, il regrettait néanmoins que les angoisses de sa passion cachée ne consumassent pas les couleurs de pêche si peu romanesques de son visage. Il aurait aimé apporter les traces de ses souffrances inscrite en caractère indélébile, que Marcia aurait pu lire chaque fois qu'elle l'aurait vu, et qui aurait peut-être, à la fin, pu lui inspirer le placide amour qui naît de la pitié, un sentiment qui est comme le lait crémé le plus faible, comparé à l'eau de feu d'une affection immodérée. Il n'y a aucune loi sociale qui défende un homme de porter sur son front les caractères qui lui plaisent, et la délicatesse qui commandait à Silbrook de ne pas révéler sa passion sous n'importe quelle forme de mots, ne pouvait l'empêcher de la laisser lire dans chaque ligne de son visage. Mais malheureusement, il n'était pas doué de ce qu'on appelle généralement une figure parlante. Il aurait pu garder le secret d'un empire sous ce doux masque insignifiant, plus impénétrable que le front de marbre de Napoléon s'avançant impérialement au-dessus d'yeux insondables. Son cœur avait été lentement brisé pendant les 5 derniers mois, et il n'y avait aucune trace extérieure de ses souffrances intérieures, excepté quelques boutons accidentels qui avaient une tendance obstinée à envahir un front qui, sans ces boutons, aurait pu être shakespearien. Ils étaient capables d'apparaître furtivement en grand nombre au milieu de la nuit, comme un rassemblement de chartistes à Kennington Common, et on pouvait les considérer comme une preuve des efforts intérieurs qui se faisaient continuellement derrière ce front. Silbrook était le plus modeste des hommes, mais s'il avait un point remarquable, il sentait que ce point remarquable était son front. Ce jour-là, il avait rejeté avec la brosse ses fins cheveux blonds en arrière et présentait une brillante étendue de front aux yeux contemplatifs de Mademoiselle Denison. Il était tout à fait mal à l'aise en présence de sa divinité. Et ce fut un grand allègement pour lui, ce matin-là, de ne pas trouver Marcia seule. Dorothée était assise devant une petite table à quelque distance de sa maîtresse, prête à lui servir de secrétaire, et toute gonflée de l'importance de ses fonctions. L'affaire fut assez longue, mais le curé était heureux plus qu'on ne peut dire, délicieusement mal à l'aise au milieu de son trouble d'amour et de timidité, tandis qu'il était assis en face de Mademoiselle Denison avec une liste de noms dans les mains, indiquant les gens qui devaient recevoir des secours et l'espèce de secours qui leur était la plus nécessaire. Si la liste avait pu continuer toujours, comme la trame sans fin d'un mot et un papier, s'il avait pu rester assis à jamais sur ce tapis de foyer avec son front brillant sur lequel se réfléchissaient les flammes du feu et ses boutons naissants, rougissant à cette clarté vermeille, combien il eût été heureux. Mais les heures ne s'arrêtent jamais, excepté dans les contes de fées, où les princesses dorment tout d'un trait pendant un siècle, et s'éveille belle et souriante quand un prince charmant vient les réclamer. Le vieux notonnier n'abandonne jamais ses rames. Le tic-tac de l'horloge va et continue toujours, même quand nos oreilles sont charmées par de plus doux sons, et fatalement, n'ont plus conscience de cette solennelle mesure. Sylbrook, assis dans le salon couleur d'ambre de Scarsdale, oubliait qu'il avait d'autres devoirs que celui d'assister mademoiselle dans ses bienfaisants arrangements, et même, lorsque leur tâche fut finie, il flâna encore, craignant de rompre le charme qu'il retenait à ce confortable foyer. « J'ai ordonné qu'on vous prépare un lunch dans la salle à manger, monsieur Sylbrook, » dit Marcia, durant la pause qui succéda à l'achèvement de l'affaire de la matinée. « Vous connaissez les habitudes de papa? Il ne prend rien qu'un biscuit et un peu d'eau de vin, entre le déjeuner et le dîner. Ainsi, excusez-le s'il ne se joint pas à vous. Je suis presque une vieille fille moi-même. Je prendrai une tasse de thé pendant que vous goûterez. » Le curé rougit beaucoup et éprouva une vive attaque de la paralysie intellectuelle à laquelle il était sujet dans la société de Mademoiselle Denison. Il ne put s'empêcher de penser combien d'impudents audacieux, combien d'Irlandais sans sou au service militaire, auraient saisi l'occasion de faire une protestation fleurie. Contre l'épithète de vieille fille appliquée à la plus charmante et à la plus séduisante des femmes, la pensée seule de ce qu'un de ces audacieux aventuriers aurait pu dire était trop pour Sylbrook. Sa modestie empourpra ses joues et fit rougir chaque bouton naissant sur son front. « Non, je vous remercie, mademoiselle Denison, » dit-il en passant avec agitation son chapeau d'une main dans l'autre. « Je goûte très rarement. En vérité, je ne prends jamais rien à cette heure, si ce n'est quelquefois mon dîner. 3 heures étant en général mon heure de dîner habituelle, ou l'heure qui devra l'être. Excepté lorsque mes devoirs me rendent très inexacts. Non, je vous remercie. Réellement, je préfère ne rien prendre et dans le fait, je... » Et laissant tomber son chapeau et regardant sa montre, il ramasse son chapeau avant de remettre sa montre dans la poche de son gilet. « Je vous remercie, non. Réellement, je dois m'en aller. Car mes devoirs en ce moment sont si... » Il se décide alors en faveur de la montre et balbutie. Et la laisse tomber au milieu de ce choc de mots et la met en pièces, furieusement nombreux, finit-il par dire. Mais en dépit du devoir invoqué, le curé semblait disposé à s'attarder encore. Debout devant le foyer avec son chapeau à la main, quelque impulsion démoniaque intérieure le poussait à chaque moment à mettre son coude sur le large manteau de la cheminée et à renverser toute une petite fortune sous la forme de vieux sacs et de produits de Chelsea. Il regardait avec un air désespéré le petit plateau à thé qu'on venait d'apporter à Marcia, comme un malheureux qui vient d'avaler du poison doit regarder le vase qui contient son véritable antidote. « Si vous ne voulez rien manger de solide pour votre lunch, vous prendrez peut-être une tasse de thé et un biscuit, » dit Marcia avec bonté. « Dorothée, apporte une autre tasse et une autre soucoupe. » Le curé balbutia quelque chose de peu intelligible dans son extrême ravissement et s'assit tranquillement après avoir mis son chapeau dans le seau à charbon de terre. Ses grands yeux humides lui étaient très peu utiles lorsqu'il n'était pas assisté par des lunettes, et son regard admiratif, qui demeurait si amoureusement fixé sur Marcia, voyait seulement une ombre blanche indistincte dont les traits vacillaient de côté et d'autre comme un jet de gaz agité par un grand vent. Dorothée servait Marcia et son hôte. Elle tendit à Sylbrook sa tasse de thé et le sucrier dans lequel il pinça quelques petits morceaux de sucre avec les pinces comme un oiseau qui a la vue courte. Il s'assit avec sa tasse qui glissait dans sa soucoupe, tantôt en avant, tantôt en arrière. Il parlait avec un empressement nerveux et remuait son thé avec plus de persistance que ne le comportent les bonnes manières. « Oui, mademoiselle Denison, » commença-t-il. Le mot « oui » n'avait aucune relation avec rien de ce qui précédait. C'était seulement une espèce de jalon de conversation que le curé jetait en désespoir de cause dans l'océan sans bord de la causerie. « Oui, mademoiselle Denison, j'étais en train d'observer que... Je vous remercie, je n'en veux pas davantage. » Ces derniers mots étaient adressés à Dorothée qui voltigeait autour de l'embarrassé jeune homme avec le sucrier et une assiette de biscuits pour ajouter à son tourment et à son trouble. car il avait déjà remarqué qu'un biscuit provoquait chez lui une toux sèche insupportable et pendant les 5 dernières minutes, il s'était débattu contre une avalanche de miettes. « Oui, mademoiselle, j'étais en train de dire que les pauvres ont toute raison de se louer de leur bonne fortune cet hiver. L'année dernière, les biscuits, l'hiver, le froid, ayant été particulièrement durs. » Là, Sylbrook céda avec faiblesse au démon tentateur et prit un autre instrument de torture, écorchant d'une manière désagréable les noms de ses aides en charité qui l'éblouissaient pendant qu'il causait. Le temps, comme je l'ai observé, a été réellement très dur, et l'abbaye n'était pas occupée, quoique votre femme de charge, en convient, nous était d'un grand secours en nous fournissant de la soupe et du charbon de terre. Mais cette année, nous sommes en bien meilleure situation, car, outre votre précieuse coopération, nous avons un bienfaiteur anonyme. Un bienfaiteur anonyme. Oui, mademoiselle Denison, répondit le curé, qui avait été assez imprudent pour manger son biscuit dans l'espoir d'une beaucoup plus longue pause dans la conversation et qui bredouillait d'une manière fleurie qui redoublait sa confusion. « Oui, mademoiselle Denison, nous avons un bienfaiteur anonyme. Le premier dimanche de chaque mois, depuis 6 ou 7 mois, une somme d'argent, de l'or enveloppé dans un billet de 10 livres, quelquefois plus, a été versée dans notre caisse pour les pauvres. Personne n'a pu découvrir par qui. » Il n'y avait aucune indication sur la manière dont l'argent devait être employé. Pas un bout de papier écrit, pas même les initiales du donataire, rien que l'argent. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous avons fait de notre mieux pour en disposer sagement. Et vous n'avez jamais fait aucune recherche pour connaître la personne qui donne cet argent? Jamais. Notre congrégation est restreinte et, à l'exception de 2 ou 3 familles, en aucune façon riche. J'ai entendu dire, continua le curé, oubliant sa timidité par le goût qu'il prenait à la conversation, qui était évidemment son sujet favori. « J'ai entendu dire, mademoiselle Denison, que ce sont les gens qui ont commis des crimes affreux, qui donnent ensuite de si grosses sommes d'argent aux pauvres. » Quoiqu'il soit difficile d'imaginer par quelle espèce de raisonnement ces malheureux païens peuvent arriver à cette conclusion que donner de l'argent dont on n'a pas besoin à des gens auxquels on ne fait aucun tort, peut racheter le mal fait à ceux qu'on a outragés ou dépouillés. Mais l'esprit humain est... L'esprit humain, répéta Sylbrook en désespoir de cause, se trouvant tout à coup entortillé dans un argument philosophique, des embarras épouvantables auxquels il ne voyait aucune chance de sortir. L'esprit humain est... Non, je vous remercie. Ceci fut dit à Dorothée qui venait l'assaillir avec une seconde tasse de thé. « Réellement, mademoiselle Denison, je vous ai importuné si longtemps que je... Bonjour. » Martial lui donna une poignée de main et le congédia avec un cordial sourire. Elle n'avait nulle idée que le regard sans espérance de ses 12 yeux bleus exprima l'idolâtrie. Elle attribuait leur expression pensive et suppliante à une faiblesse de constitution. À 22 ans, Marcia était tout à fait une femme et se sentait assez vieille pour abaisser ses regards sur le timide curé avec une tendresse presque maternelle. Elle restait assise pendant quelque temps, regardant paresseusement le feu, après que Sylbrook l'eut quitté, pendant que Dorothée causait humblement dans un coin retiré et songeait avec ébahissement au mystérieux bienfaiteur des pauvres de Scarsdale. Mais peu après, Mademoiselle Denison sortit tout à coup de sa rêverie et prit une lettre ouverte sur la table qui était auprès d'elle, une lettre écrite sur du papier étranger, par une main féminine. L'écriture était hardie, nette, et d'un caractère masculin, mais toujours très évidemment tracée par une main de femme, car jamais il n'y a eu d'homme capable de souligner certains mots et d'orner chaque Y et chaque G d'une longue queue ovale. Martial lut la lettre qui était très longue, avec une expression pensive. Elle se leva de sa chauffeuse et sortit de la pièce, ayant toujours à la main les légères feuilles de papier. Dorothée suivit sa maîtresse des yeux avec un air d'étonnement. Marcia, si calme et si placide, avait évidemment été troublée et occupée de pensées désagréables ce même jour, depuis l'arrivée de la poste du matin et de cette lettre étrangère. Marcia Denison alla droit à la bibliothèque où son père était assis devant un énorme feu, ayant une pile de revues et de journaux sur la table à côté de lui. Il jeta avec impatience un journal loin de lui lorsque Marcel entra dans la chambre. « Si ces gens avaient seulement quelque chose à écrire qui en vaille la peine, avant de prendre la plume, murmura-t-il. Mais je suppose que si c'était ainsi, il y aurait des moments où la littérature du monde entier arriverait à une halte subite, à une banqueroute universelle. Et pensez que nous lisons chacune de ces drogues parce qu'elle a été écrite hier, tandis que la poussière envahit ces volumes qui contiennent la sagesse ramassée par ces titans disparus. Un homme empoisonne sa femme à Seven Dials, aujourd'hui, et demain nous sommes prêts à chercher l'évidence de son crime à travers une demi-douzaine de pages imprimées en caractères microscopiques, pendant que peut-être, pas un de nous sur 10, ne s'inquiétera de tirer les in-folios tombant en poussière qui contiennent les procès d'un Strafford et d'un Stuart, d'un Russell ou d'un Sidney, de leur place oubliée sur les tablettes de notre bibliothèque. Absurde ! S'écria le baronnet en étouffant un long bâillement rêveur. Que voulez-vous, Marcia ? Le curé est parti et vous avez terminé vos œuvres de bienfaisance. Quelle lettre avez-vous à la main, Marcia ? Une lettre de Madame Harding, la belle veuve que nous avons tant vue à Hambourg. Vous souvenez-vous que vous lui avez fait une espèce d'invitation générale pour venir nous voir ici ? Sir Gaspard bâilla et réfléchit. L'ai-je invité ? Oui, il est certain que je l'ai fait. C'est une charmante femme, vive, spirituelle, qui joue à l'écarté aussi bien qu'aucun baby qui a fait son apprentissage dans le club des jeunes et charmants fous de la rue Royale. Ne chante-t-elle pas un peu des ballades allemandes et des chansons espagnoles, je crois, en s'accompagnant de la guitare ? Ah oui, je me la rappelle parfaitement et je me souviens que je me plaisais beaucoup avec elle, une femme à la mode, mais étonnamment agréable. Qu'elle vienne, certainement. Quand parle-t-elle de venir ? Presque immédiatement, c'est-à-dire entre ces jours-ci et Noël. Je vais vous lire le passage de sa lettre. Marcia tourna les feuilles légères et choisit un paragraphe de l'une d'elles. Et maintenant, chère mademoiselle Denison, je viens vous demander la permission de profiter de l'invitation plus que cordiale que m'a faite votre cher papa. Plus que cordiale, murmura le baronnet. C'est dommage que cette cordialité ne soit qu'une espèce d'effervescence intellectuelle qui s'évapore comme toutes les effervescences. J'avais oublié l'existence de cette femme. Continuez, Marcia. L'invitation, plus que cordiale de votre papa, si souvent répétée pendant ce délicieux séjour à Hambourg, durant lequel j'ai joui de votre société si sympathique. Puis-je y répondre, chère mademoiselle Denison ? Je suis moi-même une créature si franche et si spontanée que j'ai pris les paroles de votre cher papa à la lettre, comme je suis sûr que je le pouvais. Ne le devais-je pas, chère mademoiselle Denison ? Vous pouvez passer, les chères mademoiselle Denison et les chers papas, s'écria sœur Gaspard maussadement. Comme je déteste les lettres de femme. Vient-elle ou ne vient-elle pas ? Marcia continua. Donc, si votre maison n'est déjà pas pleine de visiteurs, je serais bien aise de passer les fêtes de Noël avec vous. J'ai séjourné à Paris depuis que j'ai quitté Hambourg, et mes amis sont assez bons pour désirer me garder encore longtemps. Mais mon cœur soupire après des fêtes de Noël anglaises et après mes longues et agréables conversations avec nous et votre cher papa. Donc, chère mademoiselle Denison, j'attends un mot de vous qui me dise oui ou non. Et si votre réponse est oui, je traverserai la Manche. Je passerai un ou deux jours à Londres et je prendrai le chemin de Scarsdale. Quelle réponse faut-il faire, papa ? Oui, très certainement. J'ai bien invité cette femme et elle doit venir. Elle était très agréable à Hambourg, mais je pense qu'elle est un peu trop épanouie pour l'Angleterre. Cependant, au pis-aller, elle nous amusera. Mais, papa, dit Marcel inquiète, avez-vous jamais songé combien peu nous la connaissons ? Notre connaissance a été toute accidentelle et elle n'était pas des plus considérées à Hambourg. Sœur Gaspard leva les épaules avec impatience. « Que savez-vous sur son plus ou moins de considération ? » s'écria-t-il. « Cette femme m'amuse. Elle semble connaître quantité de monde. C'est une lady. Et de l'espèce la plus florissante, certainement. Elle salue gracieusement. Elle sait comment on monte et on descend de voiture sans se précipiter. Ses mains n'ont jamais fait aucun ouvrage. Elle sait manger des asperges et des artichauts sans être ridicule. et de plus, elle est remarquablement belle et s'habille divinement. Je donnerais 500 ou 600 livres pour avoir son portrait, paraît-il, sans les accessoires. Les nuances du teint de Madame Harding sont plus belles que celles de Hetty, et ses draperies sont aussi bien faites que celles de Stoward. Donc pourquoi ne l'aurions-nous pas pour illuminer notre salon par ce triste temps d'hiver ? Mais je croyais que vous fuyiez la société, papa. Oui, la société du comté. Je n'aime pas ce va-et-vient continuel, mais je n'ai rien à dire pour un visiteur par-ci par-là. Un pèlerin de passage, nouvellement revenu de la foire aux vanités, sera le bienvenu, et il se reposera à notre foyer et nous apportera les nouvelles des baraques dansantes, des cirques et des clowns qui s'y ébattent, des nouvelles tromperies d'un prestidigitateur politique populaire, des charlatans qui ont eu du bonheur et des charlatans qui n'ont pas eu de chance, des naissances et des morts, des mariages, des banqueroutes, des divorces, des querelles de famille et des scandales du grand monde, enfin de tous les amusements de la foire. Ne me regardez pas d'un air si désespéré, Marcia, mais écrivez-moi une lettre polie à Madame Harding et dites-lui de venir. Je ne pense pas qu'elle se soucie de rester très longtemps dans une maison vide, papa. Elle me fait l'effet d'une personne qui peut à peine vivre sans gaieté et sans agitation. Dans le cas, nous la laisserons s'en aller et vivre partout d'autre part. D'ailleurs, nous ne serons pas tout à fait seuls. M. Pansford passera les fêtes de Noël avec nous et il peut aider à l'amuser. Oh, papa, M. Pansford est la dernière personne du monde entier qui puisse convenir à Madame Harding. De grâce, ayez pitié de moi, Marcia, s'écria Sir Gaspard d'un air maussade. Combien d'objections allez-vous encore me faire? Je vous dis que j'ai demandé à cette femme de venir et qu'elle doit venir. Si elle ne se plaît pas avec nous, elle s'en ira. Si c'est nous qui ne l'aimons pas, nous n'aurons pas besoin de la prier de revenir une seconde fois. Allez, écrivez votre lettre et ne soyez pas obstiné, Marcia. Très bien, papa. Je dois faire ce qui vous plaît. La lettre fut écrite. Ce n'était pas une lettre très cordiale, car Marcia n'aimait pas Madame Harding. Il était incapable de feindre une amitié qu'elle n'éprouvait pas. Mais l'épître était polie et conciliante et la réponse arriva par le retour du courrier. Madame Harding était très reconnaissante de la lettre affectueuse de sa très chère mademoiselle Denison et annonçait qu'elle comptait arriver à l'abbaye de Scarsdale le 22 décembre.